By Killer Miller. C'est un pour le tout puissant, sans lui je me perds. Un pour la famille, sans qui je peux rien faire. Cousine, joue pas des grands airs. Le zonard a un caractère un peu trop dur et un peu trop fier. Y'a ceux qui font dans le tas et ceux qui pensent qu'à fuir. Y'a ceux qui sont rentables et ceux qui pensent qu'à nuire. Puis y'a les frères et sœurs qui sont à fond dans le film. Et y'a ces oppresseurs qui prennent la Palestine. R.A.I. dit Emile pour la Doha, atteste l'unicité devant le deuxième doigt. Affirme ta force, revendique ta foi. Avance même quand ça score, n'oublie pas que Dieu te voit. C'est un pour les serettes, deux pour leur pudeur, trois pour les beurettes. Un hijab sont les meilleurs. Frérot, je n'ai plus peur de tout leur sens contraire. Car c'est un, deux, trois, quatre, et ça mon nouvel air. C'est un pour le tout puissant, deux pour les darons, trois pour le bon sens et quatre quand je tombe pas rond. Un pour la famille, deux pour les amis, trois pour la rime et quatre pour le chromis. C'est deux pour les darons, car deux je suis trop fier. Deux pour les amis que je prends comme des frères. Frérot, j'ai rien de plus cher que mon père et ma mère. C'est mon sang, c'est ma chair, dans mes veines, dans mes nerfs. J'm'agrippe à mes frères, car on est de la même paire. J'ai grandi qu'avec des gars, au cœur pur, au cœur de pierre. Connu les cas, les plus pires, les familles, les plus pauvres, y compris. Pour grandir, soit tu survis, soit tu te sauves. Seuls les vrais savent, et ont évité la lessive. Ils nous prennent pour des enfants de la récidive. Leur politique, frère, j't'assure, faut qu'elle crève. Faut qu'on grave notre histoire, on n'écrit plus à la craie. Rien à foutre de leur grève, rien à foutre de leur mou. Dame à tout le monde, cherche la paix, personne sait où elle se trouve. Y'a plus d'hommes, t'assure, j'vois que des traves. Donc c'est 1, 2, 3, 4 pour les forts et pour les braves. C'est 1 pour le tout puissant, 2 pour les darons, 3 pour le bon sens et 4 quand j'tombe pas rond. 1 pour la famille, 2 pour les amis, 3 pour la rime et 4 pour le chromis. C'est 3 pour la rime que j'balance comme un crime. 4, 4 pour le chromis, du bon son c'est promis. J'ai la plume qui promet, les textes argent chromé. Les MC sont paumés comme un charclos dans le tromé. Ne sois pas étonné, indigène bien choqué. Les plus vieux se sont moqués, les plus jeunes les ont baisés. Ce que vous faites c'est oser, sur nous vous kiffez causer. T'as reconnu nos dégaines, les trois crânes un peu rasés. Dédicace à matière première scène, j'en suis fier. On reconnaît qu'il y a de l'avance pendant que les putes jacques derrière. Arrêtez votre ménique, arrêtez d'être maniaque. Soit tu braques, soit tu rappes, soit tu t'en prends plein le fiac. Comportement désagréable, sur matière inflammable. Caractère de zonard, caractère détestable. C'est 3 pour la rime et 4 pour le chromis. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà ce que je vous ai promis. C'est 1 pour le tout puissant, 2 pour les darons, 3 pour le bon sens et 4 quand je tombe pas rond. 1 pour la famille, 2 pour les amis, 3 pour la rime et 4 pour le chromis. Le zonard, ok. Indigène, t'es le petit.